des larmes lorsque meurt un amour, s'il pleuvait des larmes lorsque des cœurs sont lourds, sur la terre entière, pendant 40 jours, des larmes amères engloutiraient tout. S'il pleuvait des larmes lorsque meurt un enfant, s'il pleuvait des larmes au rire des méchants, sur la terre entière, enfin grise et glacée, lames amères pleuraient le passé. S'il pleuvait des larmes quand on tue les cœurs purs, s'il pleuvait des larmes quand on crève sous les murs, sur la terre entière il y aurait le déluge, des larmes amères des coupables et des juges. S'il pleuvait des larmes chaque fois que la mort, brandissant ses armes, fait sauter les décors, sur la terre entière, il n'y aurait plus rien que les larmes amères des deuils et du destin. S'il pleuvait des larmes lorsque meurt un amour, s'il pleuvait des larmes lorsque des cœurs sont lourds, sur la terre entière, pendant 40 jours, des larmes terre entière, il y aurait le déluge, des larmes amères, des coupables et des juges.